Thank you. voter, c'est ça? Tu mets. Comment tu fais ta carré, je me rappelle. Ouais, j'ai une boîte à rythme. Sur mon synthé, il y a la TR-808. J'aime bien le. Il est où le? Il est où le? Ah là, celui-là. I wanna dance! Par contre, c'est dommage qu'on peut pas quantiser sur un truc comme ça. Enfin, on peut pas tout avoir. Surtout qu'en plus. Ah ouais, mais MIDI 5. Non, pas de MIDI 5. Alors, on voit une batterie vite fait. Alors après, je vais pas rester trop longtemps quand même. Pas de basse là. Ah ouais, parce qu'avant on mettait un VST, je crois. Tu pouvais mettre des VST direct là-dessus, je crois, c'est ça, ouais. Mais j'en ai pas de VST en fait, j'en ai plus là. Machine, hein. Thank you. N'est pas mort. Tu fais de la basse aussi. Change. 115. Ah non, c'est le même truc, 115. Non, ah non. Ah non, c'est plus vite. Oh, allez, vas-y, fais-moi du 115. Allez, vas-y, fais-moi vibrer. Après, je m'en vais, putain, il faut que je me coucher. Je vais pas me coucher, mais il faut que... Ça marche pas, en plus, ce soir, Jamilus. Thank you. bisous nounours. Les problèmes s'effacent, yeah. La basse résonne, c'est l'esprit qui s'enlace. des racines profondes au grand du futur. On cultive l'amour dans une vague qui dure. La musique au champ lumière dans le noir. C'est le noir. Sur la peau, les rythmes coulent comme le fleuve dans mon cerveau. Le cœur en paix, les problèmes s'effacent. Quand la basse résonne, c'est l'esprit qui s'enlace. Des racines profondes aux branches du futur. On cultive l'amour dans une vague qui dure. La musique nous guide, lumière dans le noir. Elle éclaire nos pas, elle trace notre espoir. Ragamophile dont l'âme tu chantes la liberté, un son qui réchauffe, un souffle d'humanité. Tu reggae dans le cœur et la vie en mélodie. Chaque note est un cri, chaque mot une harmonie. Tout dans mon tour et la lumière persiste, un peu sacré brûle dans le cœur des artistes. On élève la voix contre les chefs du système, des rédits rebelles pour un peuple qui s'aime. Oh yo. En montagne lointaine, les messages voyagent, portés par les antennes. Ragamophile warrior, on reste debout. Là où l'amour guide, rien ne met à genoux. Ragamophile dans l'âme, je chante la liberté. Un son qui réchauffe, un son d'humanité. Du reggae dans le cœur, la vie en mélodie. Chaque note est un cri, chaque mot une harmonie. It's a time for me, it's a time, it's a time, it's a time for you to change. ciao, à bientôt.